La délégation du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, conduite par son vice-ministre Lee Gil-sung, a quitté le 28 Pyongyang pour effectuer une visite en République populaire de Chine.